بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Donc, continue l'explication du livre Le Ma'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi et une explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. Durant le cours dernier, on avait entamé le chapitre de la foi Al-Iman, et on avait vu que c'était une parole, que la foi c'est une parole prononcée avec la langue, ce sont des actes accomplis par les membres du corps, et c'est une croyance qui est contractée par le cœur, et que cette foi augmente en faisant des bonnes actions, et qu'elle diminue en faisant des mauvaises actions. Et le cheikh avait cité les sectes qui contredisent cette définition que les gens de la Sunna ont donnée à la science, et parmi eux, de façon plus précise, Al-Murji'ah, qui considère que la foi est unique, que le niveau de la foi est unique, et qui considère que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. ثم قال المؤلف قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. من الأدلة أن يقول الشيخ الفوزان من الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دين القيمة، والدين والإيمان بمعنى واحد، والدين القيمة يعني الملة المستقيمة، فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور منها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. Donc l'imam de Qudam al-Maqdisi dit, Allah Azza wa Jal a dit, et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et voilà la religion de droiture. Et Cheikh Al-Fawzan dit, parmi les preuves que la foi est constituée de paroles, de croyances et d'actes, et qui augmente en faisant les bonnes actions et diminue en désobéissant à Allah Azza wa Jal, c'est ce verset-ci. Et ce verset prouve que la foi est constitué de paroles, d'actes et de croyances. Car Allah Azza wa Jal a cité toutes ces choses comme faisant partie de la religion. Et toutes ces choses, c'est quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. De s'acquitter ou d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. D'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif. Cela englobe quel type ou quelle partie ou quel constituant de la foi, la parole, l'acte ou la croyance? La foi, c'est la même chose. C'est tout. Adorer Allah en toute sincérité, c'est que de la foi. Il y a aussi les actes, et il y a aussi les paroles. Car l'adoration, c'est à la fois, ou ça peut être des paroles, ça peut être des actes, et ça peut être une croyance. Et la prière, cela englobe les actes et les paroles. Et la zakat, cela englobe les actes. Et la zakat, cela englobe les actes. Et Allah Azza wa Jalla a considéré tout ceci comme étant et voilà la religion de droiture. Donc tout ceci fait partie de la religion. Et on avait vu que lorsque la religion est citée toute seule, elle signifie quoi? Lorsqu'on dit l'islam tout seul, il englobe l'islam et la foi. Et lorsque al-iman, la foi, est cité tout seul, il englobe à la foi et l'islam. Mais lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, alors l'islam signifie des choses apparentes et la foi signifie des choses cachées. D'accord? Et ici, Allah Azza wa Jalla a dit la religion de droiture, c'est-à-dire l'islam, autrement dit, cela inclut également la foi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وكذلك هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أي خصلة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان وهي قول لا إله إلا الله هذا قول وإماطة الأذى عن الطريق عمل والحياء شعبة من الإيمان اعتقاد لأن الإيمان من أعمال القلوب فجعل الإيمان هو الأقوال والأعمال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ودل الحديث على أن للإيمان مرتبة أعلى ومرتبة أدنى فدل على أنه يزيد وينقص. في الأوتر a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la foi fait partie ou est constituée de 70 et quelques branches. La plus haute est l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin. Le prophète a alors considéré les paroles et les actes comme faisant partie de la foi. Donc le verset prouve que la foi, ce sont des actes, des paroles et une croyance, mais il y a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, que ce hadith prouve également que la foi est constituée de plusieurs branches. Parmi ces branches, la parole la ilaha illallah, et ceci est une parole. Et le fait d'enlever une chose nuisible du chemin ou d'une route, cela est un acte. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ. Et en terminant le hadith, et la pudeur fait partie des branches de la foi. Et la pudeur fait partie des branches de la foi. Donc le professeur Hassan a considéré tout ceci comme faisant partie des branches de la foi. Et cela prouve et appuie ce que les gens de la Sunna disent, à savoir que la foi est considérée et constituée, afwan, des actes, des paroles et de la croyance. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus haute de ces branches est la parole la ilaha illallah, et la plus basse est le fait d'enlever une chose nuisible de la route, cela prouve que la foi augmente et baisse, car elle a un maximum et un minimum. Et tout ce qui a un maximum et un minimum augmente et diminue. وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا. Et Allah Azza wa Jalla a dit فزادتهم إيمانا, cela a accru leur foi. قال الشيخ الفوزان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد, أنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة, وإنما هو شيء يتفاوت يزيد وينقص. وقوله تعالى فزادتهم إيمانا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. Quant à ceux qui ont cru, leur foi a augmenté. Ce verset est aussi une preuve que la foi augmente, et que la foi n'est pas quelque chose d'unique et qui a un seul et même niveau comme le prétendent Al-Murji'ah, mais que c'est quelque chose qui oscille, qui augmente et qui diminue. Et la parole d'Allah Azza wa Jal est dans ce sens plus que claire lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Et cela a accru leur foi », c'est-à-dire que ces croyants, lorsque les versets d'Allah Azza wa Jal descendent sur eux et lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, cela fait augmenter leur foi. Et le second verset, ليزدادوا إيمانا قال الشيخ الفوزان هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين وأن الكفار منعوهم من آداء العمرة ودخول مكة ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدونه ولكن خضعوا له طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين فجعل عاقبته خيرا ومن أعظم ما أنتج هذا الصلح أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار فحصل للمسلمين تنفس وهاجر من هاجر المدينة بدون أذى ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. Le second verset, où Allah Azza wa Jalla dit, c'est lui qui a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et Cheikh Fozan dit, et ceci, c'est-à-dire ce verset, a été révélé pendant l'accord de Al-Hudaybiyah. L'accord de Al-Hudaybiyah qui a suivi une épreuve pour les musulmans, à savoir que les non-musulmans, les polythéistes de Quraysh, ont interdit aux musulmans de faire la Umrah. Ils étaient partis de Médine, accompagnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour accomplir leur umra, et les polythéistes leur ont interdit l'entrée à la Mecque. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants, c'est-à-dire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont soumis à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont accepté de faire cet accord de paix malgré qu'ils ne le voulaient pas. Et beaucoup de compagnons étaient très blessés par le fait que les polythéistes les aient empêchés d'entrer à la Mecque pour accomplir leur Umrah. Et le prophète sallam a accepté le sulh, a accepté de faire la paix et a accepté l'accord. Et parmi l'accord qui a été accepté par le prophète sallam, Quraysh ont dit, nous n'empêcherons personne de partir de la Mecque et d'aller à Médine. Mais par contre, nous interdirons à quiconque de sortir de Médine et de rentrer à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et beaucoup de compagnons étaient en colère et ont dit, comment pouvons-nous accepter et nous humilier de la façon alors que nous sommes les croyants? Alors que nous sommes les croyants, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les paroles et les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation. Ils ont alors accepté et se sont soumis à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à cet accord, et parmi également l'accord, c'était le fait que les musulmans aller faire la Umrah l'année suivante. Ils ne le feront pas, ils ne pourraient pas la faire cette année-là, mais uniquement l'année suivante. Et ceci a été un bien pour les musulmans, car les musulmans, beaucoup sont partis et ont émigré de la Mecque à Médine en toute sécurité, sans que les polythéistes ne les agressent et ne leur portent atteinte, alors qu'auparavant, ils ne le pouvaient pas. Et ceci a donc permis à beaucoup de musulmans d'émigrer à Médine et d'aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute sécurité et de se renforcer là-bas et de constituer une armée qui, par la suite, et on le verra après la prière, inshallah, a vaincu les polythéistes de la Mecque et sont entrés victorieux dans la ville sainte de la Mecque. أقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: في النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المكرمة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، وكل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم، وانقاد المسلمون لحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم، فلم يحصر منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم، وأنزل الله جل وعلا في قلوبهم السكينة فهدأوا وسكنوا وانقادوا، وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين، وإن عاقبته كانت خيرا للمسلمين، فدل هذا على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. Cheikh Ozan, Hafidahullah, dit, et au final, donc, après ou à l'issue de cet accord de l'Hudaybiyah, ceci a permis aux musulmans de se renforcer à Médine et d'avoir une armée plus forte et ainsi d'avoir gagné et d'avoir conquéri la ville de la Mecque et de l'avoir épargnée de la suprématie du polythéisme. Et Allah Azza wa Jalla a donc fait que la fin soit bonne et que les musulmans, malgré leur désaccord, malgré le fait qu'ils se soient sentis humiliés en faisant ce pacte, Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur leur cœur la sérénité qui a fait en sorte qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient sereins, qu'ils soient réfléchis et qu'aucun d'eux n'ait contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ceci a eu pour conséquence la victoire de la Mecque. Et on doit retenir de cela que toute personne qui se soumet au jugement d'Allah et au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela sera ou est un moyen d'augmenter la foi, car Allah azza wa jalla dit: huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Donc leur foi a augmenté car ils se sont soumis au recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذره او خردله او ذره من الايمان فجعله متفضلا. ثم قال الشيخ الفوزان: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه بمدلولها، ويخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنهم لا تنفعهم. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الأوتور Imam Ibn Qudam al-Maqdisi a cité un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que sortira de l'enfer toute personne qui aura dit la ilaha illallah et dans lequel est présent dans son cœur l'équivalent d'un grain d'orge ou d'un grain de moutarde ou l'équivalent de la plus petite des créatures de foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, en donnant ces trois types de métaphores, cela prouve que la foi n'est pas unique et que les niveaux de foi diffèrent en fonction des personnes. Et Cheikh Al-Fawzan dit en expliquant ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que des personnes seront sorties de l'enfer le jour du jugement, des personnes qui auront dit « La ilaha illallah » et des personnes qui auront une partie de la foi, minime soit-elle, et cela les fera sortir de l'enfer, ils n'y resteront donc pas éternellement. Et ceci prouve que le fait de la dire avec sa langue ne suffit pas, mais qu'il faut la croire avec son cœur, et c'est également une réponse à ceux qui disent que la foi c'est uniquement des paroles avec la langue, comme le disent une certaine faction de Al-Murji'ah, comme on l'a vu le cours dernier, qui disent que la foi c'est uniquement la parole. Lorsque tu dis La ilaha illallah, tu es croyant. Cela est faux, car de cette parole, on pourrait en déduire que les hypocrites qui disent ce qu'ils ne pensent pas sont des croyants. Il y a aussi une réponse à ceux qui disent que la foi c'est uniquement dans le cœur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sera sorti de l'enfer ceux qui disent La ilaha illallah. Et une autre preuve que la foi diminue, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il dira à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où Allah Azza wa Jal dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam: fais sortir de l'enfer celui qui a dans son cœur la plus petite particule de foi dans son cœur. Donc ce hadith prouve aussi que il y aura des personnes qui sortiront de l'enfer et qui n'auront dans leur cœur qu'une partie extrêmement infime de foi. Ceci ne les privera pas d'être châtiés dans l'enfer, wal'iyadu billah, mais par contre le fait qu'ils aient cette partie de la foi dans leur cœur les empêchera d'y rester éternellement, car ceux qui resteront éternellement en enfer, ce seront uniquement les non-musulmans. ثم قال المؤلف فصل في الإيمان بالغيب. عفوا. ثم قال الشيخ الفوزان: وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف، ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقد معناها نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد الدخول فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر بالله، وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المؤلف أن الإيمان يضعف حتى يكون مقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. Et Cheikh Fawzan continue son explication du hadith en disant qu'il y a dans cela la preuve que celui qui a la plus petite particule de foi dans son cœur, mais qui a été associé à la parole La ilaha illallah, tout en croyant et en considérant, yani en croyant que cette parole est vraie, que cela profitera à la personne qui l'a prononcé et le fera sortir de l'enfer dans lequel il ne restera pas éternellement, car comme nous l'avons dit, l'éternité dans l'enfer est un châtiment réservé exclusivement aux non-musulmans. Et il faut retenir de ce hadith, comme nous l'avons dit également, que la foi descend et diminue jusqu'à atteindre la taille d'un grain de moutarde, et ceci répond à ceux qui disent que la foi est à un niveau unique qui ne change pas. ثم قال المؤلف فصل في الإيمان بالغيب. Le chapitre de la foi en l'invisible. قال الشيخ الفوزان لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن الإيمان بالغيب هو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة التي لم يشاهدها الناس لأنها قد مضت وانقضت أو لأنها لم تحدث بعد مما صحت به الأخبار فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا وإنما الاعتقاد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا وإنما مبناه على التسليم والتصديق لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Puis Cheikh Fawzan dit, après que l'auteur ait donné la définition de la foi, à savoir que ce sont des paroles, des actes, des croyances avec le cœur qui augmentent et qui diminuent, et qu'il a cité les preuves de cela, il a entamé le chapitre de la croyance aux choses invisibles. Et l'invisible, c'est ce que les gens ne voient pas, c'est ce que les gens ne constatent pas. Et l'invisible fait partie, on peut faire partie des choses passées comme des choses futures, que les gens n'ont pas encore constatées. Ce sont des choses qui sont passées, c'est-à-dire que nous n'avons pas constaté de notre vivant, ou des choses qui vont avoir lieu et dans lesquelles les hadiths du prophète authentique en ont cité l'existence future. Et dans ce genre de choses, en ce qui concerne l'invisible, les raisons n'ont pas lieu d'être. Nous n'avons pas à faire travailler notre cervelle ou notre cerveau dans les choses de l'invisible, car ce sont des choses que nous ne constatons pas. Et ce sont des choses auxquelles il faut croire. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a informé comme chose invisible, ou tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé comme chose invisible, nous devons y croire avec certitude. Et nous devons soumettre nos raisons et nos pensées à cela, et ne pas essayer de réfléchir ou d'essayer de trouver une logique dans tout cela, mais nous devons nous contenter uniquement de nous soumettre. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا يعني الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمانه. Et la foi, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, c'est justement de croire aux choses invisibles. Quant aux choses visibles qui existent et que l'on voit, il n'y a pas de mérite à y croire. Et cela n'est pas considéré comme une foi, car l'être humain voit, il y croirait ce qu'il voit et ce qu'il constate. Ceci n'est pas une foi. Et la foi n'est pas acceptée, et ne sera pas acceptée le jour du jugement. Lorsque l'être humain s'apprête à mourir, car dans ces moments-là, il verra de ses propres yeux ce dont il aura été informé comme chose invisible. Mais s'il compte y croire après les avoir vus, sa foi ne sera pas acceptée. وقد جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي وشاهده عيانا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته فحينئذ لا ينفعه إيمان كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Il était rapporté dans le hadith qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas le repentir du serviteur tant que son âme n'arrive pas à sa gorge. C'est-à-dire, tant que son âme n'arrive pas à sa gorge, c'est-à-dire que lorsque son âme arrive à sa gorge et qu'il s'apprête à mourir, alors la foi n'a plus lieu d'être. Et les actes sont suspendus et la personne verra et voit ce dont elle a été informée durant son vivant comme chose invisible, elle les verra comme réalité. Et Allah Azza wa Jalla l'a dit à ce sujet, tu restais indifférent à cela, eh bien alors nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Allah Azza wa Jalla s'adresse ici à l'être humain. Lorsque son âme est retirée de son corps, il voit et constate ce dont il a été informé dans sa vie, mais à ce moment-là, la foi n'est plus profitable. Et Allah Azza wa Jal a également dit, le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme. Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, c'est-à-dire le jour où tu verras ce qui t'avait été informé comme chose invisible, la foi en lui, c'est-à-dire en Allah Azza wa Jal, ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant. Donc la foi, c'est de croire aux choses invisibles. Et c'est justement le fait de croire avec certitude à des choses que tu n'as pas vues, mais dont on t'a informé, dont Allah Azza wa Jal et son professeur Hassan t'ont informé, c'est là où justement la foi peut être testée. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمنوا حينئذ ولا تقبل التوبة ممن تاب لأن هذا أصبح حسا ومشاهدة لا غائبا ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Et également lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche habituellement, à ce moment-là, la foi de ceux qui ont cru ne leur sera pas profitable. Et le repentir de ceux qui se repentent ne sera pas accepté, car lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, les gens verront et constateront de leurs propres yeux que cela est réel. Que cela est réel et n'est pas invisible. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent atteindre par leur science et dont l'interprétation ne leur est pas parvenue. Ainsi, ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs et traitaient de charlatans. Leurs messagers regardent comment a été la fin des injustes. Fanzur, regarde comment était la fin des injustes, de tous ces peuples qui ont traité de menteurs et qui ont traité d'imposteurs les prophètes qu'Allah Azza wa Jal leur avait envoyés. Et Allah أنهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. Et Allah عز وجل dit dans le début de sourate Al-Baqarah, ذلك الكتاب لا ريب فيه, ce livre qui ne fait l'ombre d'aucun doute, Hudan lil Muttaqin, qui est une guidée pour les pieux, Alladhina yu'minuna bil ghaib, qui sont ces pieux, ceux qui croient en l'invisible et qui font la prière. La première des caractéristiques de ces pieux est le fait qu'ils croient en l'invisible, c'est-à-dire de ce qu'ils ne voient pas et de ce qu'ils ne constatent pas, mais ils se basent sur les informations émanant d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et en ces informations ils ont cru comme s'ils le voyaient. Ils ont cru en ces choses invisibles comme s'ils les voyaient, car c'est Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de ces choses. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أو الصادرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويدخل في هذا الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وغيره من الأمم هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضي. Donc il faut croire en toutes les choses invisibles dont nous ont informé Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme choses, comme on l'a vu, passées, comme les informations ou l'histoire des peuples qui nous ont précédés, les informations concernant Adam et les anges, les informations concernant les peuples qui nous ont précédés, le peuple de Nuh, le peuple de Ad, de Thamud, le peuple de Ibrahim, Ashab ou Madian, et beaucoup d'autres parmi les communautés qui nous ont précédés. Tout ceci nous a été relaté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc y croire avec certitude. Et cela fait partie des choses invisibles qui ont eu lieu auparavant. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب بل الإيمان بالله جل وعلا داخل في الإيمان بالغيب لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. Et également il y a les choses invisibles qui vont avoir lieu dans le futur, comme les signes de la fin des temps, et ce qui va précéder l'heure, et également tout ce qui va se produire dans la fin des temps, de croire également au châtiment et au délice de la tombe, de croire en ce que le prophète Hassan nous a informé concernant le jour dernier, de toutes les étapes que nous devrons surmonter durant ce jour, de croire en la résurrection et de croire au fait que nous sortirons de nos tombes, de croire au paradis et à l'enfer. Tout ceci fait partie de la croyance en l'invisible. La croyance en Allah, elle aussi fait partie de la croyance en l'invisible, car Allah Azza wa Jal, nous ne l'avons pas vu, mais nous devons croire en lui, et nous croyons en lui, car nous avons les preuves universelles et les preuves coraniques, ainsi que les informations que nous ont transmises les prophètes et envoyés d'Allah, عليهم السلام. نحن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته ووجوب عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة والبراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهده من خلق الله وملكوت الله وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض. Nous croyons donc en Allah, en ses noms et attributs, et nous devons obligatoirement, et nous croyons aussi en l'obligation de l'adorer subhanahu wa ta'ala, et ceci est basé sur toutes les informations qui nous ont été transmises et les signes évidents que nous constatons tous les jours de nos propres yeux concernant la création d'Allah et la royauté d'Allah, et que cet univers n'a pu exister par lui-même, ni n'a pu le créer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit Azza wa Jal dans Surat At-Tur, les versets 34 et 36. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ont-ils été créés de rien ou bien sont-ils eux les créateurs أم خلقوا السماوات والأرض ou bien ont-ils créé les cieux et la terre بل لا يقنون mais ils n'en sont pas convaincus qui prétend avoir créé ne serait-ce qu'un grain de blé qui prétend avoir créé les cieux et la terre. مَا أَحَدٌ إِدَّعَى هَذَا مِنَ الْكُفَّارِ مَعَ شِدَّةِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَدَّعُوا أَنَّهُمْ خَلَقُوا شَيْئًا أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ. Personne n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre, même les non-musulmans, malgré leur mécréance accrue et malgré leur obstinance dans le fait de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et dans leur conflit, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont créé quelque chose. Comme l'a dit Allah azza wa jal, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves de ce qu'ils font? فالله جل وعلا يتحداهم فيقول هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق ولا أحد يعترض على الله في خلقه سبحانه وتعالى إذن لا أحد يقدر على ذلك لا أحد يقدر أن يتعرض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقه فلان لا أحد يدعيه ولا يستطيعون هذا والله يتحداهم فيقول أبرزوا براهنكم على أن أحدا يخلق غير الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Personne donc n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre, même les pires des mécréants. Et Allah Azza wa Jalla les défie en leur disant: ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'elles ont créé sur terre. Personne n'a prétendu que sa divinité a créé quelque chose, car il ne peut pas prétendre cela. Allah Azza wa Jal, quant à lui, a informé qu'il a créé les cieux et la terre. Il a informé qu'il a créé les djinns et l'être humain. Il a informé qu'il a créé et qu'il crée. Et personne ne peut le contredire dans cela. Personne donc ne peut contredire cela, et personne ne peut dire si c'est un tel qui a créé les cieux et la terre, c'est telle et telle divinité. Personne jusque-là n'a prétendu de telles paroles. Et Allah Azza wa Jal leur dit: apportez vos preuves. Si autre qu'Allah a aussi créé, comme il le dit Azza wa Jal, أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا ont-ils donné à Allah des associés, خَلَقُوا خَلْقِهِ qui auraient créé comme sa créature, فَتَشَابَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ au point que les différentes créatures se ressemblent. Puis Allah Azza wa Jalla dit: قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ dit: Allah est le créateur de toutes choses. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ et c'est l'unique, celui qui a la suprématie. أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترض لا أحد يقول على هذا بل العقول استسلمت لهذا ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله فلذلك جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى وهو الخالق جل وعلا هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنهم ومؤمنيهم وأن الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يعترفون بهذا أن الخلق لله وإذا كان له الخلق فله الأمر وهو الذي يأمر وينهى ويشرع ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Personne donc n'a prétendu cela, bien au contraire. Les non-musulmans ainsi que les musulmans sont d'accord sur le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, comme l'a dit Allah azza wa jal, et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et si tu les questionnais, qui les a créés, ils te diront c'est Allah. Ils admettent donc dans cela que c'est Allah azza wa jal qui crée et que la création lui appartient. Et si la création lui appartient, alors le commandement aussi lui appartient. Ala lahul khalq wal amr. La création et le commandement lui appartiennent. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. On aktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.